Quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée aux Outre-mer et à leur histoire. Aujourd'hui, le documentaire. Depuis lundi, nous avons évoqué le 18e siècle des explorateurs en Afrique occidentale avec Isabelle Surin, l'après-Seconde Guerre mondiale et le remplacement des colonies par l'Outre-mer, et la revue scientifique Outre-mer, c'était hier. Ce matin, le documentaire signé Séverine Yattard et Séverine Cassard nous emmène à Aix-en-Provence, aux archives nationales d'Outre-mer, les ANOM, qui conservent les archives, des archives très variées comme des cartes, des images, une grande bibliothèque spécialisée, mais également le service de recherche d'état civil concernant les anciens territoires colonisés. Une promenade en compagnie de Isabelle Dion, Anne-Laure Vella, Sylvie Pontillo, Béatrice Olive et Gilles Poisat. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Depuis ce matin, Aix-en-Provence est devenu le siège des archives d'outre-mer. L'inauguration officielle des bâtiments a été effectuée par M. André Chanson, directeur des archives de France. Inauguration qui s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. 1966. Ce dépôt est constitué par un bâtiment de 5 étages pouvant abriter 20 km de rayon. Tous les documents concernant les affaires strictement françaises des anciens territoires d'outre-mer y sont rassemblés. C'est la première fois qu'une telle décentralisation des archives nationales soit faite, a déclaré M. Chanson. D'une part en raison de la position de Marseille, porte de l'Orient, d'autre part en raison de la vocation humaniste d'Aix-en-Provence. Autre élément favorable pour la constitution d'un tel dépôt, le climat qui convient parfaitement à la conservation des documents. Les archives nationales d'outre-mer. Nous sommes avec vous, Isabelle Dion, vous êtes directrice par intérim des archives nationales d'outre-mer. Nous sommes à Aix-en-Provence. Ces archives ont pour mission de conserver les archives de l'expansion coloniale française du XVIIIe siècle jusqu'au milieu, enfin, aux décolonisations. Jusqu'aux indépendances. Oui, effectivement. Donc, les archives d'outre-mer sont installées à Aix-en-Provence depuis 1966. Et puis, un grand ensemble universitaire se construisait. Et il y avait une chaire d'histoire coloniale. Et donc, les ANOM ont été créés pour accueillir les archives rapatriées en partie des anciennes colonies et de l'Algérie, qui étaient déjà en France depuis un certain nombre d'années, puisque depuis 1954, avec l'Indochine, donc les archives étaient déjà arrivées en partie. On est devant ce bâtiment, alors c'est une architecture très cubique. J'imagine que les magasins des archives sont en hauteur, hein, Isabelle Dion, c'est jamais en sous-sol, non, les archives. Les magasins sont bien en hauteur. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a eu deux extensions. Vous avez le premier bâtiment de 1966, qui est un bâtiment classique d'archives assez aveugle. À côté, on a construit une extension pour accueillir les archives des ministères qui ont eu en charge les colonies, donc du milieu du XVIIe siècle jusqu'aux indépendances, jusqu'à plutôt 1961, la fin du ministère des colonies. Et après, étant donné que nous accueillons beaucoup de chercheurs, il a fallu faire une extension pour l'accueil du public. Donc on a construit un beau hall d'accueil avec un espace d'exposition et une grande salle de lecture. On a deux grands ensembles archivistiques, si on peut s'exprimer de cette façon. Donc, d'une part, les archives des ministères qui ont eu en charge les colonies, donc à Paris, et d'autre part, les archives rapatriées en partie des anciennes colonies. Donc, il y a vraiment deux grands ensembles distincts, mais qui sont complémentaires. Et alors, au total, juste pour vous donner une idée, je crois que c'était 22 km d'archives dans les années 60, à l'ouverture. Oui, voilà, à l'ouverture, il y avait à peu près 22 km d'archives en provenance des anciennes colonies. Et se sont ajoutés à peu près 18 km d'archives que l'on appelle ministérielles, donc venant de Paris. Qui sont les lecteurs ou les demandes des chercheurs qui font des recherches sur la colonisation, les colonies, mais pas seulement. Isabelle Dion, il y a Il y a d'autres services qui sont très sollicités. Oui, on a plusieurs types de chercheurs. Donc on a des chercheurs qui ont un sujet de thèse. Donc ça peut être des chercheurs tant français qu'étrangers, des Algériens, des Nord-Américains. Ça, c'est vraiment la recherche historique pure. Après, on a des gens qui viennent faire leur généalogie, puisque une des particularités, c'est qu'on a de l'état civil d'outre-mer. Suite à un édit de 1776 qui a fait que les doubles, voire les triples, des actes d'état civil établis outre-mer étaient envoyés en métropole justement par mesure de conservation. Donc on a l'état civil des anciennes colonies. Après, on a des chercheurs qui viennent pour prouver leurs droits, soit recherche de décrets de naturalisation, de terres, etc. Donc c'est vraiment un public très varié. Alors on va peut-être y rentrer dans ces archives. Là nous sommes dans l'espace d'accueil, donc tout lecteur qui arrive doit s'inscrire bien sûr, comme dans tout service d'archives, et après il monte en salle de lecture. Isabelle Dion, nous sommes montés au premier étage, donc avant d'accéder à la salle de lecture, c'est la salle d'inventaire ici, avec les ordinateurs où on peut commander des documents, j'imagine. Alors, on peut à la fois faire des recherches, donc trouver les références qui vont permettre d'accéder aux cartons que l'on veut consulter, et bien sûr, et faire ces demandes de communication à partir d'un terminal. Donc vous voyez qu'il y a deux ensembles qui s'opposent, vous avez à la fois des ordinateurs et puis des vieux fichiers qui permettent d'accéder aux documents. Alors, il faut préciser que vous avez fait aussi tout un travail pour justement que ces inventaires soient accessibles via Internet, pour que le chercheur, par exemple, avant d'arriver ici, sache un petit peu peut-être où aller ou puisse faire des demandes, parce que vous répondez aussi à des demandes à distance, Isabelle Dion. Oui, alors l'objectif, c'est bien sûr à terme qu'il y ait le plus d'instruments de recherche accessibles en ligne afin que les chercheurs étrangers trouvent facilement leurs références et perdent le moins de temps possible lorsqu'ils arrivent en salle. Donc il va y avoir tout un travail de rétroconversion d'instruments de recherche papier, manuscrits. Et puis vous répondez à des demandes, des sollicitations par lettre, par mail, j'imagine. Voilà, donc on a beaucoup de courriers, on a à peu près 8000 courriers par an. Donc des demandes d'actes d'état civil pour prouver sa nationalité, des recherches de terrain, des documents qui ont trait à la guerre d'Algérie. Donc là vous êtes dans un magasin d'archives tout à fait classique. Donc on a 5 étages de magasins, ce qui représente à peu près 38 km linéaires d'archives. L'Algérie étant le territoire où les archives sont les plus importantes. L'Algérie représente à peu près 11 km. Bon, l'Indochine doit représenter 4 km à peu près. Tonkin, Annam, Cochinchine, Laos, Cambodge. Donc on a les archives de Madagascar, des Antilles jusqu'à la départementalisation, la côte française des Somalies, les Nouvelles Hébrides autrefois. Bien sûr l'Afrique, l'ancienne AOF et l'ancienne AEF. Voilà, tout ça fait à peu près 22 km d'archives venues des anciennes colonies. On va maintenant regarder, analyser certains fonds à travers des documents que vous allez nous présenter, vous, Isabelle Dion, et puis vos collègues. En fait, je pense qu'on a dû vous expliquer comment étaient composés les fonds de l'Indochine. Anne-Laure Vella, chargée d'études documentaires, responsable avec Olivia Pelletier des fonds Indochine. Depuis que je suis arrivée, depuis à peu près 6 ans, on s'est partagé le travail sur l'Indochine, disons plutôt par période. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Ma collègue s'occupe plutôt des fonds du gouvernement général de l'Indochine, c'est-à-dire des débuts de la colonisation jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, et moi plutôt sur la période du Haut Commissariat de France pour l'Indochine, après Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la fin de l'occupation française en 1954. Et j'ai commencé à classer un fonds du commissariat de France au Tonkin et au Nord-Annam. Et lors de la découverte des documents, puisqu'il n'y avait pas de bordereau de versement pour ce fonds, on a retrouvé un dossier de surveillance d'Ho Chi Minh. Et ça, c'est récent à l'Orvella, ça veut dire qu'il n'avait pas été classé encore. Il n'avait pas été classé, c'est vraiment une découverte. Donc, puisqu'on a en tout 8 dossiers de surveillance d'Ho Chi Minh. Ils sont en ligne et accessibles, toutes les images accessibles sur notre site internet. Et là, à l'occasion de démarrage d'un classement de fonds, on a découvert un autre dossier de surveillance. Avec, Olivia Pelletier a regardé rapidement comment il était constitué. Alors, bien sûr, on a des bulletins de renseignement, on a des articles de presse. Mais bon, par exemple, là, on a une photo d'Ho Chi Minh. Elle m'a dit, celle-là, je l'avais jamais vue. Donc, c'est une photo d'identité, mais c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux documents. Et ce dossier, il court sur une période qui va de 1945 à 1949. Donc une période qui est quand même assez intéressante pour l'histoire de l'Indochine, parce qu'on est tout de suite après la fin du deuxième conflit mondial. L'indépendance du Vietnam a été proclamée au mois d'août. Le Haut Commissariat vient de reprendre sa place en Indochine. Le général de Gaulle a nommé Thierry d'Argentlieu Haut Commissaire. Et Jean Saint-Denis est commissaire de la République pour le Tonkin et le Nord-Annam. On sait le rôle qu'il va avoir très important au moment des négociations entre la France et Ho Chi Minh. Donc ce dossier qui va de 1945 à 1949 est très important parce qu'on a une première période des négociations jusqu'au modus vivendi de 46. Et puis après, on va avoir le début de la guerre en 47. Donc une période très intéressante. Donc une photo là, mais également on peut retrouver un bulletin de renseignement. C'est une énième biographie de Ho Chi Minh, mais qui reprend toujours un petit peu les mêmes éléments. Mais c'est toujours intéressant. On voit en 1911, âgé de 19 ans, Nguyen Van Thanh, à l'époque, quitte la maison paternelle pour Saïgon, où il embarque comme boy à bord du Latouche Tréville. Fiche 256. 13 février 1946. Ho Chi Minh, président du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, chef du parti Viet Minh. Voyage aux USA, Angleterre, Allemagne, France. Se fixe à Paris, où il exerce de nombreux métiers, mène une vie austère et s'adonne passionnément aux questions politiques. Son livre de chevet est Le Capital de Karl Marx. Apprend le chinois, le français, l'anglais, le russe. S'affilie à des organisations extrémistes. Fréquente la Ligue des droits de l'homme, devient franc-maçon. Mes devoirs m'appellent auprès de mon peuple. Avant de quitter le sol français, je tiens à proclamer une fois de plus mon affection pour le peuple français, mon attachement à l'idéal démocratique dont il est le champion. Et puis, je pouvais vous montrer également des journaux. Oui, il y a de la presse. Il y a de la presse. Une carte qui est envoyée de New York par un certain monsieur Reis, qui envoie ses voeux à Ho Chi Minh. Donc, elle ne lui est jamais parvenue, évidemment, mais c'est toujours très intéressant. Ça, là, elle a été envoyée donc fin 46 pour souhaiter les voeux de la nouvelle année 47. Voilà. Donc ça aussi, c'est une pièce, bien sûr, unique. Ce dossier, en fait, il est constitué par et pour le commissaire de la République. Et puis, ces documents, ils vont être distribués dans tous les services, en fait. Et sûrement dans ce dossier, il y a des pièces qu'on va retrouver dans d'autres fonds, puisque le service de surveillance travaillait pour tous les autres services, le conseiller politique, du haut commissaire. Donc, on va retrouver des documents dans les différents fonds. Avril 1956. Charlie, un avion venant d'Indochine, a amené un groupe d'enfants. Les enfants d'un drame. Ce drame des enfants sans nom, qu'engendrent toutes les guerres. Nés de pères français et de mères vietnamiennes, les uns n'ont plus de père, les autres ne l'ont même pas connu. En les adoptant en quelque sorte, la Fédération des œuvres de l'enfance d'Indochine a entrepris de leur donner un foyer et une patrie à défaut de famille. Au centre de Vouvray, l'un des 7 centres établis en France, 140 de ces petits Européens aux yeux bridés vont grandir, apprendre et se bâtir un avenir. Ils sont déjà 2000 en France, mais ils étaient 150 000 peut-être en Indochine, 150 000 innocents de la folie des hommes. Souhaitons que tous, à l'image de ceux-ci, puissent trouver la joie de vivre. Bien sûr, sur l'Indochine, on va avoir d'autres fonds, notamment des dossiers sur le fonds La Fédération de l'œuvre de l'enfance française en Indochine. En fait, des dossiers sur des enfants Eurasia. Cette fédération, elle a pris son nom dans les années 50, mais auparavant, elle a eu plusieurs appellations, hein, Fédération de l'enfance française, etc. Il faut savoir que le sort des enfants eurasiens a très tôt intéressé le gouvernement français. Dans les années 1870, il y a eu des enfants eurasiens. Donc les œuvres ou bien même des associations publiques se sont occupées de ces enfants très tôt. Mais dès les années 1947, au début de la guerre d'Indochine, ben, la situation était plus tenable. Donc la France, les Français et la Fédération a décidé de rapatrier la plupart de ces enfants en France. Le fonds de la FOEFI est composé de plus de 4300 dossiers. Mais il y en a que nous n'avons pas, hein, forcément. Donc il faut imaginer qu'il y en a encore quelques-uns en plus. Donc ces enfants ont été rapatriés par avion au début, mais puis même par bateau, jusqu'en 1900, dans les années 70. Hein. Et en fait, la fédération était reconnue d'utilité publique, donc elle était subventionnée par l'État français, forcément, mais dans les années 70, l'État a dit, bon, maintenant, il n'y a plus beaucoup d'enfants à rapatrier ou à gérer, donc dans 4 ans, on va arrêter de verser des subventions. Mais la fédération a continué à fonctionner sans fonds publics pendant encore 4 ans, jusqu'en 1983, date de sa dissolution. En fait, à partir de là, ben, quand ils avaient l'adresse des anciens pupilles, ils leur envoyaient les dossiers. Et autrement, ça a été versé à la section Outre-mer des archives de France, à la rue Oudinot. Et puis en 86, chez nous. Donc j'ai sorti un exemple de dossier, Bernadette Tissier. Certificat de nationalité française. Voilà, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, c'était indispensable. Hein. En fait, les Eurasiens ont eu un statut particulier hein, qui leur a permis d'obtenir cette nationalité. Hein, puisque normalement, nés de pères présumés français mais inconnus, ils ne pouvaient pas avoir la nationalité française. Mais bon. S'ils faisaient partie de la FOEFI, voilà, ils avaient la nationalité d'emblée, quoi. Oui, les noms étaient transformés souvent. Et pour revenir à l'histoire de cette Bernadette Tissier, on dit dans son histoire familiale, enfant soustraite à son milieu familial par le service social de Haïphong, la famille chinoise qui l'avait recueillie ayant décidé de la vendre à une maison de prostitution. Voir lettre s'y joindre. Donc souvent c'était le sort qui aurait pu être réservé aux jeunes filles. Hein. Donc et ce genre de dossier, ils sont consultés justement par des enfants. Ils sont des consultés. Enfants, alors on a des règles de communication sur ces dossiers, bien évidemment. Donc si les dernières pièces ont moins de 50 ans, ils ne peuvent pas être communiqués, sauf à l'ayant droit. Hein. Donc c'est les dossiers qui datent, par exemple, celui-là de 49. Oui, et enfin, il se termine. C'est quoi, c'est la date du dernier document? C'est la date du dernier document qui compte. Donc 54. Voilà, en 53, 54, 56, dernière pièce. Donc celui-ci est communicable. Communicable. Parmi les fonds privés, je vais vous parler également d'un fonds assez exceptionnel, qui est le fonds du docteur Salé, qu'on a reçu en don ici en 2014. Donc c'est le fonds d'un médecin colonial, donc arrivé en Indochine autour des au début du XXe siècle, mais qui est tout de même resté en Indochine jusqu'en 1930. Donc ce fonds, ce qu'il a d'exceptionnel, c'est que ce docteur Salé, il a appris à connaître dans ses différents postes les populations vietnamiennes, notamment les peuples Cham en Annam. Et il a travaillé aussi bien sur les plantes, sur la pharmacopée, que sur toute la médecine, les pratiques de magie conjuratoire. Et Albert Salé, qui était passionné par cette médecine traditionnelle, médecine chinoise souvent, a demandé à des chamans de reproduire sur du papier de riz des dessins relevant des pratiques de magie. Donc on a dans ce fonds plus de 500 dessins originaux, une boîte entière, qui n'est pas communicable en raison de son caractère exceptionnel et fragile, mais des dessins qui ont été numérisés. Donc toutes les images sont accessibles. Elles ne sont pas indexées parce que pour la plupart, on n'en connaît pas la signification. Bon, là, on parle des images parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Elles ne devraient plus exister, en fait, ces images. Elles étaient destinées soit à être ingérées ou infusées dans du thé, etc. C'est comme une ordonnance, en fait. Ça a la même valeur qu'une ordonnance aujourd'hui. Donc, ce sont des dessins aquarellés ou gouachés, très colorés. Donc, on a des représentations de personnages de légende, mais également d'animaux et de plantes. Là, si on... Un tigre, un canard, une chauve-souris. Une chauve-souris. En fait, ce fonds, il nous a été donné par le petit-fils du docteur Salé, qui a retrouvé ce fonds chez sa mère. Il avait été dispersé entre sa mère et sa tante. Et donc, il s'est passionné pour ce fonds. Il a commencé à lire, à ouvrir, à recenser, à classer, à faire des traductions pour comprendre ce dont il s'agissait. Et il en a découvert vraiment la richesse. Donc maintenant, ce que l'on souhaiterait, c'est que des personnes s'intéressent aux images et puissent apporter une signification plus grande à tous ces documents. Parce que le fond lui-même, il fait 3 mètres linéaires. C'est pas un très très grand fond, mais il est très riche. Sylvie Pontillo, vous êtes responsable du fonds de la bibliothèque. C'est quoi la bibliothèque ici aux Annom ? Alors, en fait, c'est un fonds documentaire qui est le miroir du fonds d'archives. C'est une bibliothèque très spécialisée, à caractère patrimonial, qui rassemble tout ce qui a été publié sur l'histoire de la colonisation française et plus généralement l'histoire de la France d'outre-mer, ancienne colonie et Algérie. Dans cette bibliothèque, il y a plus de 120 000 imprimés, des monographies, des brochures, des revues, de la presse, des travaux universitaires, des publications officielles d'outre-mer. Et tout cela forme un corpus de ressources documentaires imprimées qui présente la littérature coloniale sous toutes ses formes, éditions locales, parfois très rares, et éditions métropolitaines. On a pu bénéficier de l'apport d'une bibliothèque d'un érudit, Mouro Tzamiri, un érudit qui est créole, né à la Martinique, et qui accumula pour ses travaux personnels une masse importante de documents sur la Caraïbe et plus spécialement Saint-Domingue. C'est une bibliothèque très rare parce qu'elle rassemble des livres, des factums, des journaux locaux que nous envie même la Bibliothèque nationale de France parce que ces documents sont chez nous et nulle part ailleurs. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter plusieurs ouvrages. Tout d'abord, un ouvrage édité à Tamanrasset dans le sud de l'Algérie. Alors, si je vous présente cette couverture, vous allez me dire que c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Mais ce livre est une copie de l'exemplaire original du Petit Prince en tifinagh. Le tifinagh, c'est la langue écrite des Touaregs. Cette écriture est utilisée par les Berbères en Afrique du Nord pour écrire leur langue. Cette langue s'appelle le tamazigh. En fait, cette traduction, elle est probablement due à un élève du père de Charles de Foucault, qui avait entrepris de traduire la Bible antifinard. Tout ceci se passait donc à Tamandracet, on pense autour de 1957. Aujourd'hui, il y a environ une dizaine d'exemplaires de cette édition connus dans le monde, et donc nous en avons quatre à Aix-en-Provence. Donc, à présent, nous allons voyager du côté des Antilles. Donc cet ouvrage, vous allez le voir, est absolument magnifique. C'est Jean-Baptiste Duterte, un religieux dominicain, botaniste, qui a été envoyé comme missionnaire aux Antilles en 1640. Il a aussi voyagé du côté de la Grenade, de Saint-Christophe, de Sainte-Lucie. Et il a pu publier cet ouvrage en 1654. Cet ouvrage est intitulé « Histoire générale des Antilles, habitée par les François ». En fait, c'est une synthèse des connaissances sur les Antilles au XVIIe siècle. On y trouve, par exemple, les premières représentations montrant des esclaves travaillant à proximité des bassins d'indigo. Il décrit aussi, il est le tout premier à le faire, la fièvre jaune lors des plusieurs épidémies qui ont éclaté sur les îles de la Guadeloupe et de Saint-Christophe en 1635. Donc vous voyez la précision des dessins. Ici, par exemple, une planche avec des oiseaux. On voit une barque, des pêcheurs, la végétation, choux des Caraïbes, figuiers. Ici, on voit par exemple le moulin, les fourneaux, la vinaigrerie, la canne à sucre. Histoire générale des Antilles habitées par les François, tome 2, 1667-1671. Des cannes de sucre et de la manière qu'on le fait. Les cannes de sucre qui croissent tant dans le Brésil qu'en toutes ces îles, desquelles on fait le sucre en abondance, sont toutes semblables aux grands roseaux d'Espagne, hormis qu'elles ont les nœuds plus courts, les feuilles plus drues et qu'elles sont plus basses de moitié. Elles portent un panache comme les autres roseaux, dans lequel la graine est enfermée. Il y a encore cette différence que la canne n'est pas creuse comme le roseau, mais elle est remplie d'une certaine moelle spongieuse, tout imbibée d'une eau blanchâtre, et cette eau est la liqueur dont on fait le sucre. Béatrice Olive, alors vous êtes responsable, vous, entre autres, de la cartothèque, parce qu'il y a énormément de cartes aux anomes. Il y en a combien à peu près? On estime entre 50 et 60 000 identifiées comme telles à la cartothèque, mais il y en a beaucoup plus, puisqu'il y en a encore d'autres qui sont toujours dans les dossiers papier traditionnels, parce qu'on a jugé utile de les constituer ainsi pour illustrer le propos en fait tenu sur les documents papier. Et ces cartes, elles viennent soit des territoires d'outre-mer, soit... Elles étaient déjà au ministère des colonies, l'ancien ministère des colonies. Alors exactement comme les fonds papier, on a en effet à la fois des fonds qui ont été constitués sur place par les services cartographiques, géographiques, selon les colonies, ils avaient des appellations un petit peu différentes, soit en effet des fonds qui ont été constitués dès le secrétariat d'État de la Marine, puis au ministère des colonies. Et c'était très important, évidemment, le service de cartographie sur place. C'était extrêmement important parce que c'était bien souvent des territoires qu'on découvrait. Donc à la fois on essayait de connaître un peu mieux le territoire et puis aussi on essayait de s'implanter avec tout ce que ça implique dans la conception française de la colonisation, c'est-à-dire, j'allais dire, de quadriller le terrain un peu comme en France. L'aboutissement ultime étant de faire un cadastre comme en France, on n'y arrivait pas forcément, on n'a pas forcément réussi à aller jusqu'au bout de la démarche, mais en tout cas c'était l'idée. Alors l'un des fonds les plus anciens que nous ayons, à savoir le dépôt des fortifications des colonies, j'allais dire le mal nommé, parce qu'en effet il y a des documents qui concernent les fortifications, mais il est beaucoup plus large que ça, était constitué par des copies, puisqu'ordre a été donné dès la fin de la monarchie, en 1778, aux ingénieurs du roi en poste dans les colonies, de faire faire des copies de tous les plans en leur possession pour les envoyer à Versailles. Là, c'est une vue perspective d'un projet d'un palais de justice pour la ville de Cayenne. Et alors, ce que je trouve très intéressant, outre la qualité graphique du dessin, c'est que c'est vraiment un palais de justice, j'allais dire, comme on en a fait en série à l'époque, y compris en France, avec les mêmes colonnades, les mêmes salles des pas perdues, manifestement. Donc, j'ai envie de dire, la justice se met en scène exactement de la même façon dans une petite sous-préfecture de France métropolitaine et à Cayenne. Ben, ça dit aussi voilà, la manière dont étaient conçues les colonies à l'époque. Absolument. La colonie, c'est un petit morceau de France à l'autre bout du monde. Et ce sont donc les ingénieurs, là, c'est l'ingénieur en chef, hein, c'est ça, elle est signée. Oui. Qui s'occupe alors aussi bien de faire le plan d'un palais de justice que une carte, un cadastre ou Béatrice Olive. Alors, est-ce que ce sont les mêmes personnes ou... Alors, à l'origine, oui, ce sont les ingénieurs du roi qui ont une activité qui est très, très large, qui correspond à la fois à une activité militaire pour ce qui est purement fortification, mais qui est aussi une activité qu'on appellerait aujourd'hui de génie civil, qui vont construire les routes quand il y en a. Alors, il y en a peu, évidemment, des vraies routes, il y a beaucoup plus de pistes. Mais c'est aussi des géographes qui vont faire les premiers cadastres, qui vont travailler aussi sur les installations portuaires, puisque souvent le moyen de pénétrer dans ces territoires qu'on colonise, c'est évidemment la mer, et en deuxième lieu, les fleuves, qui sont une voie de pénétration. Donc on a des cartes marines, on a des cartes d'installations portuaires, des plans de toutes les infrastructures qui sont réalisées, les bâtiments civils, évidemment le palais du gouverneur, mais pas uniquement, ça peut être les hôpitaux, ça peut être les prisons, ça peut être... les bâtiments publics en général, donc c'est une activité très large, un palais de justice par exemple. Alors là, c'est encore un tout autre type de document. Là, c'est toujours le même principe, à savoir une carte imprimée traditionnelle qui sert de fond de carte. Et là, c'est le service de santé publique de l'Afrique occidentale française qui cartographie les cas de fièvre jaune en 1931-1932. Donc on a des points de taille différente pour indiquer le nombre de cas aux différents endroits explorés par les missions de santé qui vont voir qui est malade, comment on peut essayer de trouver des traitements, comment se répand la maladie également. Et là, celle-là, c'est le même principe. C'est aussi le service de santé publique de l'AOF, mais cette fois-ci, c'est les maladies à trypanosome, c'est-à-dire essentiellement la maladie du sommeil. Et la répartition des mouches tsetse sur le territoire. Maladie qui, ne l'oublions pas, est mortelle. Donc on voit des hachures orange en l'espèce qui montrent les zones endémo-épidémiques, les zones où on a relevé les différents types de trypanosomes qui existent. On voit bien l'usage des cartes, qui n'est pas seulement... pas uniquement géographique. Géographique, qui concerne les frontières, etc. Hein, là, on voit bien, c'est la détermination des frontières, c'est une part importante. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres... usages possibles de cartes, évidemment. Ouais. Et nous changeons à nouveau de continent, d'endroit et d'époque. Là, c'est encore un extrait du dépôt des fortifications des colonies. C'est un plan de la Nouvelle-Orléans, tel qu'elle estoie le 1er janvier 1732, comme c'est écrit tel quel sur le document. Donc c'est ce qu'on appelait encore il y a quelques années le vieux carré à la Nouvelle-Orléans et qu'on appelle aujourd'hui le quartier français. Mais les rues n'ont pas changé de nom. La place d'armes a changé de nom, mais le reste est encore tel quel. Le fleuve également, il ne s'appelle plus Saint-Louis, mais Mississippi. Et ce document a été demandé en prêt il y a un peu moins d'un an, puisque c'était le 300e 2018 et marquait le 300e anniversaire de la fondation de la ville de la Nouvelle-Orléans, donc par des Canadiens français. Et à cette occasion, un musée qui se trouve d'ailleurs dans la rue Royale, qui est représenté sur le plan, a organisé une grande exposition pour commémorer ce 300e anniversaire et nous a demandé le prêt de plusieurs documents, dont ce plan, qui donc est étalé à la Nouvelle-Orléans. J'allais dire retourné, parce que très probablement il y a été dessiné... à l'époque. Et ça arrive souvent, Béatrice Olive, qu'on vous demande justement des plans pour les expositions ? Ça arrive, oui, parce que dans bien des cas, le dépôt des fortifications des colonies, par exemple, il couvre tous les continents, pratiquement, et c'était une copie. Alors, ça pouvait paraître un peu méfiant que de demander des copies et les envoyer à Versailles, parce qu'en effet, on se méfiait un peu des conditions de conservation sur place. Mais l'expérience a montré qu'on n'avait pas tort d'être un peu méfiant, parce que dans bien des cas, les copies sont les seuls exemplaires qui subsistent aujourd'hui. Pour eux, va commencer une existence nouvelle dans un monde nouveau, une existence tragique dans un monde sans issue. Ils partent pour un voyage qui, pour nombre d'entre eux, sera le dernier. La Loire a quitté la palisse. Maintenant tout est bien fini. On s'en va vers le Maroni, où les requins font la police. On est sans nom, on n'est plus rien. La loi nous chasse de la ville. On n'est plus qu'un bateau de chiens qu'on met à crever dans une île. Mais à nos rapparés la belle, la faim, la lèpre, le cachot, le coup de poing des pays chauds, rien ne sera trop beau pour elle. Pour la liberté, les requins auront notre corps de coquin. Et dans la forêt solennelle, où la mort sonne à chaque pas, même lorsque tu ne viens pas, c'est toi qu'on adore la belle. 20 ans que l'on est à Cayenne. Gilles Poisat, alors il y a un fonds un peu spécifique, classé en tant que tel, ici aux Anones, c'est les bagnes. Je dis un peu spécifique parce que c'est pas comme s'il était classé géographiquement, c'est-à-dire que c'est un fonds qui pourrait relever du pénitentiaire, puisque absolument, ce sont les prisonniers. Oui, qui peut paraître assez loin de la colonisation. Bien sûr, en fait, c'est de l'histoire administrative, parce que l'administration pénitentiaire coloniale n'a pas été rattachée effectivement au ministère de la Justice. Maintenant, le pénitentiaire est rattaché à la justice. Et à l'époque, on a choisi de le rattacher au ministère des colonies. Alors, en fait, c'est un fonds qui vient de deux provenances assez différentes. D'une part, des ministères qui se sont occupés des colonies à Paris. Et on a aussi les papiers qui viennent des bagnes eux-mêmes, donc des territoires qui ont servi de bagnes, à savoir la Nouvelle-Calédonie et la Guyane. Alors, c'est un fonds qui est relativement important quantitativement, puisque si on mettait bout à bout ce qu'on appelle des mètres linéaires, il y a autour de 750 mètres linéaires tout de même, ce qui représente pas loin de 6000 cartons et registres. Alors c'est un fonds qui est assez important en volume, mais aussi en fréquentation, puisque... Ça intéresse le bagne. Oui, apparemment. Oui. C'est un nouveau sujet de... de recherche. Enfin, absolument, alors... La grande cohorte de nos lecteurs, c'est quand même les généalogistes, puisqu'ici, en fait, on conserve la trace du passage au bagne des 100 000 bagnards. Et on rajoute les femmes, quelques milliers de femmes. Mais les femmes, on a arrêté beaucoup plus vite. Hein. Au début du XXe siècle, les femmes n'étaient plus envoyées au bagne. Donc c'est une histoire, en fait, qui s'étend sur un siècle. Alors, création du bagne colonial, hein, c'est 1852. C'est le premier bateau qui s'en va vers la Guyane, chargé de bagnards. Et ces bagnards, et puis vous allez nous montrer les documents, Gilles Poisat, mais ces bagnards, donc, alors ça peut être des criminels, mais ça peut être aussi des prisonniers politiques. Voilà, on sait qu'à la commune, il y a un certain nombre de communards qui ont été envoyés au bagne. Tout à fait, la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs est plutôt connue pour cet aspect-là, c'est-à-dire c'est elle qui a, j'allais dire, accueilli les communards, par exemple, ainsi d'ailleurs que les Algériens, qui se sont révoltés au même moment en Kabylie. Mais donc sinon, en 1852, quand on décide d'envoyer les bagnards outre-mer, ce sont plutôt les forçats qui sont visés, c'est-à-dire les condamnés aux travaux forcés. Donc c'est des peines d'assises, à partir de 5 ans de travaux forcés jusqu'à la perpétuité. Donc c'est quoi, c'est des criminels, les peines d'assises? Alors 5 ans, c'est souvent plutôt des vols, simplement. Effectivement, là, on touche du doigt vraiment la dureté de ce régime de justice avant d'être pénitentiaire. C'est-à-dire que pour un vol, on prenait 5 ans et on partait là-bas. Et en plus, on voulait les fixer pour qu'ils travaillent sur place. Donc, on avait inventé un système pour les maintenir sur place qui s'appelait le doublage. Donc, pour les petites peines, entre 5 ans et 7 ans, ils étaient tenus à rester sur place le même nombre d'années. Donc, ça a été condamné à 5 ans, il fallait rester 10 ans. Et au-delà, à partir de 8, c'était à vie. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi de nous montrer comme document? Alors là, j'ai pris un document, justement, le dossier du bagnard le plus impressionnant. Alors, ce n'est pas le plus connu, je ne pense pas, en tout cas. Donc, c'est celui de Paul Roussinck. C'est le dossier le plus épais, ce qui veut dire qu'on est entre 1500 et 2000 pièces. Alors, il faut savoir qu'un dossier de bagnard, ça va de une pièce, par exemple le jugement ou l'acte de décès, tout simplement. jusqu'à celui-ci, qui est assez énorme. Alors pourquoi il est aussi énorme? Parce que Roussinck a vraiment une trajectoire très, très particulière. Donc d'abord lui-même écrit, et il le fait beaucoup. C'est un graphomane, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est vrai, on sent bien que c'est ce qui va lui permettre de tenir le coup. Et il a besoin de tenir le coup, parce que c'est quelqu'un qui se fait punir constamment. Il se révolte, hein? Il se révolte, c'est un rebelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été condamné. Lui, il n'a ni tué, ni volé. Il s'est rebellé en Tunisie, effectivement. Il s'est rebellé contre l'autorité militaire. Donc, il a pris 20 ans. Et il a continué au bagne. Et donc, c'est ce qu'on appelle... C'est un terme un petit peu familier, mais c'est le recordman des jours de cachot et des punitions. Puisqu'il va passer plus de la moitié de son temps, à savoir un quart de siècle, au cachot. Mais chaque fois qu'il ressort, il le fait volontairement, il se refait punir. C'est pour lui une manière de protester. Effectivement, il a quand même une sensibilité anarchiste assez développée. Donc il écrit, alors c'est ça, il écrit beaucoup. Alors au directeur du bagne, oui. Voilà, absolument. Alors à tout le monde, hein, ça va du ministre jusqu'à plusieurs ministres. Voilà, donc là effectivement on en a. Alors j'en avais sélectionné une, mais pour montrer l'indépendance d'esprit, donc quelqu'un quand même qui passe son temps au cachot, qui est dans des conditions de vie extrêmement dures et qui arrive à faire certaines lettres carrément humoristiques. Puisque là par exemple, on en a une adressée au directeur de l'administration pénitentiaire à Saint-Laurent, sur la barbe. Le 31 octobre 1914. Monsieur le directeur, c'est de ma barbe que je viens vous entretenir. J'ai bien envie de ne plus me la laisser raser pendant 6 mois. Depuis 10 ans qu'on me la fauche impitoyablement, je voudrais bien l'avoir poussée, ma barbe. Je ne l'ambitionne pas du genre de celle que portait votre barbant prédécesseur. Certes, non. Il est admis que la barbe, c'est rasant, mais la moustache. Oh, la moustache, c'est par elle que le conquiert les bonnes grâces des belles filles par des déclarations enflammées. La moustache, monsieur, même absente, rappelle encore le grand conquérant que fut Napoléon. C'est pourquoi, sans la moustache, je me fiche de la barbe. Vous pensez peut-être que c'est la barbe? Vous avez raison. Je m'arrête car vous pourriez croire que je vous rase. Respectueusement, le transporté 3766. Paul Roussinck. Alors, c'est vrai qu'on est dans les années 20, 30... Là, on est dans les années 10 à peu près. Ah non, dans les années 10 avec Roussinck, parce qu'il y a cette période... Il arrive en janvier 1909 exactement, et il va être libéré dans les années 30. Vous avez raison, enfin, ça s'étend. Hein. Alors qu'il aurait dû, puisqu'il avait 20 ans, il aurait dû passer sa vie au bagne. Mais alors d'abord, Albert Londres en parle hein, dans son livre. Donc il y a eu une campagne de sympathie autour de lui, la Ligue des droits de l'homme, des partis politiques. Et finalement, le président de la République le gracie au bout de 25 ans. Hein. Et il a le droit de revenir. Il a le droit de revenir, il revient quelques mois après la mort de sa mère. Mais de toute façon, cette force qu'il a eue à la fois physique et mentale quand il était au bagne, une fois sorti, à un moment donné, il lui a fait défaut. Parce qu'il faut savoir aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est reparti en citadelle, à Sisteron, et là pour des raisons politiques, hein, anarchistes, communistes. Voilà, exactement. Donc là, en 1949, il se suicide, parce qu'il est complètement brisé, en fait. Mais en même temps, il a quand même fait des conférences, il a écrit, enfin voilà, il a fait publicité de tout ça, il a fait sa voix. Entre sa libération, donc en 1933, et la guerre. Il a eu beaucoup de sollicitations. Il a souhaité ensuite témoigner de la réalité du bagne, effectivement. À un moment où le bagne était déjà très critiqué et allait bientôt être supprimé, en fait. Donc en 1936, c'est le dernier envoi de forçat. Et en 1938, la décision officielle, c'est un décret-loi de 1938 qui supprime l'envoi en Guyane des condamnés aux travaux forcés. Médecin au bagne. Carnet de Léon Collin. La visite médicale à Charvin. La mort. Le médecin passe sans émotion, fait emporter les morts et dirige les plus atteints parmi les autres vers l'hôpital du centre à Saint-Laurent. On va les coucher sans trop de ménagement dans la chaloupe qui attend sur le bord de la crique les voyageurs pour le retour. Pour ceux qui arriveront au bout, quelques semaines d'hôpital seront une bien douce consolation. La mortalité est en effet énorme au camp de Charvin. Le seul mot de Charvin fait frémir encore au bagne bien des forçats. C'est là un véritable enfer, où l'on fume, dit le bagnard, la terre avec la peau. Où creuser la terre est l'équivalent de creuser sa tombe. Là, j'ai sorti un document de... Il y a deux médecins, notamment, il y en a eu d'autres, mais qui se sont distingués parce qu'ils ont écrit aussi après. Le docteur Rousseau, et puis ici, c'est le docteur Collin. Là, il y a des photos en plus. Il était passionné de photographie aussi en plus. Ouais. Alors, c'est un cas intéressant parce que c'est un médecin qui, au départ, manifestement, était plutôt quelqu'un de très conservateur. Et au fur et à mesure, on sent qu'il commence à réfléchir et à changer de point de vue. Et notamment, on a cette photo qui est célèbre, qu'on voit maintenant publiée très souvent. C'est la photo d'une visite médicale au camp de Charvin, qui était un des camps forestiers les plus durs. Et donc là, on voit donc sur cette photo tous ces hommes nus, qui étaient en fait tellement faibles qu'ils ne pouvaient pas se dévêtir eux-mêmes. Donc ils s'entraidaient entre eux pour arriver à se dévêtir. On les voit là, ils sont squelettiques, littéralement. Et dans le texte, Léon Collin indique bien qu'il y en a un au premier plan qui est déjà mort, en fait. Donc, effectivement, quand on voit cette photo, on est entre 1908 et 1910. Pas s'étonner que certains ont pu passer le pas et dire que on était peut-être dans une préfiguration de camps de concentration, parce que ça ressemble effectivement à des photos qu'on peut voir. Pour l'un d'eux, étendu au premier plan sur notre photographie, l'opération a semblé bien inutile puisqu'il vient de succomber au moment même de notre arrivée. Deux autres, gisant plus en arrière, à demi nus, n'ont plus la force nécessaire pour se préserver des ardeurs du soleil. Ce sont des demi-cadavres. Tous les autres, accroupis vers le fond, quoique squelettiques, grelottant de fièvre et se soutenant à peine, ont l'air indifférent des gens habitués à semblables visions, l'air des gens faits à vivre avec la mort. Isabelle Dion, les fous des anomes alors, sont extrêmement variés alors, de par leur chronologie qui s'étendent du 18e voire du 17e siècle jusqu'aux années 1960, au moment des décolonisations, et puis aussi des provenances. Oui, alors la très grande complexité, c'est que par opposition au service d'archives départementales, aux anomes, vous avez à peu près une vingtaine de cadres de classement différents. Donc il n'y avait absolument aucune concertation entre les territoires et il n'y avait absolument pas de dépendance vis-à-vis de Paris, d'autant que le service des archives du ministère des colonies a véritablement été créé en 1920. Et dans les colonies, donc le premier service d'archives a été créé en 1906 en Algérie et le dernier dans les années 45-50 en Afrique équatoriale. Donc chaque service a été indépendant et chaque service a fait un peu comme il entendait. Et par ailleurs, du personnel, je dirais qualifié, c'est-à-dire des archivistes paléographes sont arrivés en Algérie au tout début de la création du service. Par contre, en Afrique équatoriale, dans les années 50. Et puis, alors, chacun a eu parfois leur propre méthode. Ils ont trouvé aussi un état des archives qui était plus ou moins défectueux, inexistant. Parce qu'il y avait eu une circulaire, Isabelle Dion, qui incitait justement les gouverneurs des colonies à instaurer un service de collecte, de conservation de certaines archives. Mais il n'a pas forcément été respecté non plus. Non, alors disons qu'il y a eu quelques circulaires au début du XXe siècle, en 1905. Le ministre des colonies a envoyé une circulaire dans les territoires pour demander s'il existait des archives. Et effectivement, quand on lit certains rapports ou quand on voit certaines photographies, on se rend compte à quel point les archives étaient mal aimées et mal menées. Vous avez des descriptions de lieux qui n'ont pas de fenêtres, qui sont habités par des chats, par des rongeurs, à même le sol sur 2 mètres ou 3 mètres entassés. Bon, après, il faut imaginer aussi quand les archives des anciennes colonies sont arrivées ici. Donc, ce sont 900 tonnes de documents qui sont arrivés. Alors, soit classés, soit en vrac, avec un bordereau, sans bordereau. Quelquefois, on avait le fond, mais pas le bordereau. Et quelquefois, le bordereau, mais pas le fond. Donc il faut imaginer une époque qui a duré plusieurs années quand même, très compliquée pour les anciens. La complexité, elle vient aussi, Isabelle Dion, du fait que il va y avoir rapatriement d'archives. Comment ça va se passer finalement au sortir des décolonisations? Alors effectivement, les rapatriements ont été compliqués. La France n'a pas rapatrié toutes ses archives. Les archives ont été séparées en fonction de deux notions. Donc les archives dites de souveraineté, c'est-à-dire les archives de l'administration sur place, mais du point de vue des gouverneurs, des résidents, de la police, des dossiers de personnel, et ont été laissées sur place les archives dites de gestion, donc les archives qui pouvaient servir à l'administration qui a succédé à la France. Alors apparaît les partage en fonction des conditions sur place, des conditions politiques, ont été faits plus ou moins bien. Il y a une sorte de vide juridique en même temps. Parce qu'il y a eu, justement, au sortir des colonisations, des questionnements, il va y avoir des colloques, de réflexions pour savoir alors à qui appartiennent aussi les archives, pourquoi celles qui sont rapatriées, pas d'autres. Et c'est des problématiques qui ne sont pas encore totalement résolues. Oui, alors effectivement, c'est toujours d'actualité. Alors, il y a eu deux conventions, une qui a été passée avec le Vietnam et l'autre avec l'Inde, qui parle véritablement de ces deux notions, mais avec les autres territoires, la répartition s'est faite en fonction de ces deux notions. Et donc maintenant, on parle de mémoire partagée avec les pays issus des anciennes colonies, à savoir que l'on travaille à mettre à disposition tout ce qui est un instrument de recherche, des fonds qui sont classés, et dans la mesure du possible, mettre à la disposition aussi des images numérisées et des échanges de stagiaires aussi, par exemple, et des chercheurs aussi qui nous renseignent quand ils vont travailler sur place, de façon à faciliter la recherche de part et d'autre. Merci à Isabelle Dion, Anne-Laure Vella, Sylvie Pontillo, Béatrice Olive et Gilles Poisat. Merci également à Tiphaine Gomi. Lecture, Daniel Königsberg. Prise de son, Marcos Darras. Mixage, Alain Joubert. Les Archives nationales d'Outre-mer. Une émission proposée par Séverine Yattard et Séverine Cassard. C'était le dernier volet de notre série d'émissions consacrée aux Outre-mer et à leur histoire. Vous pouvez les réécouter, ces émissions, sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.